toi mon cœur brûle, près de toi tout en moi se bouscule, et plus rien, non plus rien n'intéresse, et je prie, je supplie, te caresse. C'est ainsi, quelle folie dans ma vie, mes amis l'ont bien dit. Ouais, on ferait le tour du monde sans jamais voir à la ronde une passion si profonde, un incendie. Chaque jour, chaque seconde, cet amour est là qui gronde. On dirait quand il m'inonde, un incendie, un incendie. Près de toi, contre toi, le temps passe et mon sang, tout mon sang se déplace. Et la joie d'être là me chavire. Tous les deux, c'est du feu, du délire. C'est ainsi, quelle folie dans ma vie, mes amis l'ont bien dit. Ouais, on ferait le tour du monde sans jamais voir à la ronde une passion si profonde, un incendie. Chaque jour, chaque seconde, cet amour est là qui gronde. On dirait quand il m'inonde, un incendie, un incendie. Se bouscule et plus rien, non plus rien m'intéresse, et je prie, je supplie tes caresses. C'est ainsi, quelle folie dans la vie, mes amis l'ont bien dit. Ouais, je ferai le tour du monde sans jamais voir à la ronde une passion si profonde, un incendie. Chaque jour, chaque seconde, cet amour est là qui gronde. On dirait quand il m'inonde, un incendie, un incendie, un incendie.